Unité 82. Le discours indirect au présent. C'est Lisa. Elle dit que son train a du retard. Elle demande de ne pas l'attendre. Exercice 1. Il me demande ce que je fais. 1. Elle m'a dit « Tu as raison ». 2. Je veux savoir où ils vont. 3. On voudrait savoir si elle vient à la réunion. 4. Elle te demande « Qu'est-ce que tu en penses ?» 5. Il m'a répondu « Je ne suis pas d'accord ». 6. Il répond qu'il pense comme nous. 7. On se demande ce que tu veux.